Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. L'association Giriouja œuvrant pour le bien-être de l'enfant propose que le centre de Munzenze en commune Mishiha de la province de Changuzo, qui abrite des enfants et adultes en situation de rue, soit restructuré. La Fédération burundaise de basketball fait Babou un nouveau président qui promet de moderniser le basketball au Burundi. Et le directeur général des sports demande au nouvel élu de promouvoir aussi le basketball féminin. Limogeage du chef de zone Rubirizi par le gouverneur de la province Bujumbura suite à un comportement d'insubordination fait savoir l'administrateur de la commune Mutimbuzi. Dans cette édition, vous aurez également à la chronique nutrition et on va parler des valeurs de la pastèque. Les précisions, c'est dans cette édition mise en onde par Alphonse Kugiman. Bienvenue encore une fois, Droits de l'enfant, pour débuter cette édition. Les enfants en situation de rue devraient être réintégrés au niveau des familles et au niveau des métiers pour s'autodévelopper. C'est ce que dit Aimable Barandagui, coordinateur national de l'association Giriouja, dans une interview accordée à la radio Isanganiro. C'est après avoir constaté que parmi les enfants transférés au centre de Munzenze, certains sont retournés dans les rues de la ville de Bujumbura. Le coordinateur de cette association propose que ce centre soit restructuré avec des équipements adéquats pour occuper ses enfants, car sans lui, les nourrir n'est pas une finalité en soi. Suivez-le. Ce centre, en fait, n'est pas bien outillé pour exactement stabiliser les enfants. Vous savez, quand vous mettez des enfants, des jeunes dans un tel centre, il faut qu'ils soient équipés. Équipés par exemple, des activités, des juridiques, des espaces donc, de sport, mais aussi, il faut des ateliers donc, sur différents métiers. Pour retenir ces enfants, il faut des salles d'alphabétisation pour occuper des enfants. Il faut une infirmerie de l'an, mais aussi il faut penser à nourrir à ses enfants du matin, midi, soir, c'est ça en fait. Et c'est pourquoi ils s'évadent, parce qu'en fait, ils ne sont pas occupés. C'est-à-dire, pour le moment, si on regarde comment le centre est, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir retenir donc dans ce centre. Si le centre vraiment est restructuré avec un équipement adéquat, les enfants peuvent rester là-bas. Mais aussi, ce que je dis toujours, un centre d'accueil n'est pas une finalité pour les enfants en situation de rue. Non, ce n'est pas une finalité. C'est juste une étape pour les préparer afin qu'ils soient exactement réintégrés au niveau communautaire, réintégrés au niveau scolaire, mais aussi réintégrer ces enfants au niveau familial, au niveau des métiers. Si on suit donc ce processus, on pourrait trouver une solution pour ces enfants en situation de rue. Il n'est pas pensé vraiment à ce qu'on met beaucoup de temps au niveau des centres d'accueil. Ce n'est pas vraiment une finalité. Et le chef de zone Rubirizi en commune Mutimbuzi a été destitué de ses fonctions mardi de cette semaine dans une lettre signée par Désiré Nsengiyumva, gouverneur de la province de Bujumbura. Il accuse Jean-Marie Nahishakye d'avoir un comportement d'insubordination et de non-respect des conseils de la hiérarchie, un comportement qualifié d'indigne, comme c'est mentionné dans ce document, et cela est confirmé par Simon Boutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi. Le point avec Spes Caritas Kabanyana. Dans une lettre signée par Désiré Nsengiyumva, gouverneur de la province de Bujumbura ce mardi, il a mentionné un comportement indigne d'insubordination de la part du chef de zone Rubirizi, qui est également accusé de non-respect des conseils et recommandations de la hiérarchie, un comportement qui ternit son image et celle de l'institution qu'il représente, selon le même document. Cela est également confirmé par Simeo Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, qui donne exemple de deux habitants de la zone Rubirizi qui ont saisi l'administrateur pour lui demander une attestation de décès à domicile que le chef de zone avait refusé de signer. L'administrateur de la commune Mutimbuzi ajoute qu'il reçoit beaucoup de plaintes des habitants de Rubirizi qui amènent des problèmes et des questions qui devraient être résolues par le chef de zone, raison pour laquelle ils ont décidé de le destituer, comme le dit Simeo Utoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi. Spes Caritas Kabanyana en commune Mutimbuzi pour la radio Isanganiro. n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Poursuivons avec cette édition, construire des infrastructures modernes de basketball et promouvoir le basketball dans les écoles. Tels sont certains projets que compte mettre en œuvre Aloïse Nhakarutimana, nouveau président de la Fédération burundaise de basketball, FEBABU. Après avoir été élu ce samedi par l'Assemblée générale, il a promis également de vulgariser le sport, le basketball à l'intérieur du pays. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakumana. On regardera de près la question relative aux infrastructures. Parce que, comme vous le constatez vous-même, il y a manque d'infrastructures au niveau national. Quand il pleut, les activités sportives liées au basket sont suspendues. Et on n'aimerait pas que la prochaine fois, des matchs soient suspendus. Les hommes pour accueil, nous allons nous investir pour que le basketball soit doté des infrastructures du siècle actuel. On a promis plusieurs fois la construction de cette infrastructure, y compris même le ministère des Sports dans ses attributions, où allez-vous trouver les moyens pour construire cette infrastructure? Écoute, certes, le ministre nous a dit qu'il allait nous appuyer dans la recherche d'un terrain, et je pense qu'il est à l'œuvre. D'ici peu de temps, le terrain sera disponibilisé. Mais comme vous le savez, l'État a plusieurs projets, ce n'est pas seulement le basket. On doit vérifier si le terrain qui nous a été proposé est vide et s'il n'y aurait pas un autre projet que l'État aurait identifié pour ériger. Mais je suis très serein, puisque le ministre a déjà dit, d'ici peu de temps, on aura le terrain. Et une fois qu'on nous aura montré le terrain, je pense qu'on pourra mobiliser les moyens suffisants pour la construction de ces différentes infrastructures. D'où proviendront les fonds? Moi-même, en tant qu'individu, j'ai dit que je vais appuyer la fédération, mais aussi nous allons contacter des partenaires qui sont connus, pour mobiliser assez de ressources suffisantes permettant la mise en application de ce projet séduisant que je viens de présenter. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour vulgariser le sport du basketball à l'intérieur du pays? Effectivement, une des raisons qui a fait que je me présente dans ces élections, c'est parce que j'ai bel et bien constaté que la plupart des activités sportives liées au basket se déroulent d'une façon intense à Bujumbura. Alors que normalement, on devrait observer ces différents jeux, même à l'intérieur du pays, notamment dans la capitale politique du Burundi. Et maintenant, avec la nouvelle décomposition du territoire burundais, je crois qu'il est plus facile d'organiser des tournois au sein des nouvelles provinces et ainsi attirer l'attention des jeunes de l'intérieur à l'activité sportive liée au basketball. J'ai dit que nous allons s'assurer que les tournois interscolaires, les tournois interuniversitaires sont relancés. Parce que je vois qu'il y a plus d'attention sur les joueurs étrangers, alors qu'il y avait moyen de développer nos propres talents, afin que nous ayons une jeunesse burundaise qui sait pratiquer le sport de basketball, tout en privilégiant bien entendu les tournois existants. Et le directeur général des sports au ministère burundais ayant les sports dans ses attributions promet d'appuyer la FEBABU dans son projet de construction des infrastructures sportives modernes. Jeanne Néonzima appelle en outre les nouveaux dirigeants de la FEBABU à promouvoir le basketball féminin. Suivez-la dans cette traduction française d'Ariela Chimilimana. Twashimye cyane imigambi mwashikirije twizera neza ko itandukanye n'imigambi yo kuryohera amatwi. Nous saluons vos projets présentés et nous espérons que ce ne sont pas des paroles sur main, car nous avons attendu que ce sont des projets réalisables. Au sein des comités, garder la sérénité, développer l'esprit de collaboration, comme vous l'avez promis à la fin de votre mandat. Il faut que vous auriez ce que vous réjouissez réaliser présent vos fans. Effectivement, en basketball, il y a pas mal de problèmes. Mais si on constate ce que vous prévoyez comme réalisation, nous espérons que votre contribution pour trouver solution à ce problème est importante. Vous avez évoqué les terrains et nous en connaissons au gouvernement, même au ministère du tuteur. Donc, veuillez nous contacter pour nous entretenir dans la collecte de fonds ou s'il s'agit de terrains pour la construction de terrains. Soyez les bienvenus, les portes sont ouvertes. Nous vous recommandons alors, veillez à la réanalysation des textes des lois organique et faire développer le basket féminin. Mugerageze guteza imbere basket féminin. Sport, toujours la formation française de Paris Saint-Germain a remporté ce samedi pour la première fois la Coupe européenne de la Ligue des Champions après avoir battu l'équipe Inter Milan d'Italie sur un score de 5-0 lors des matchs comptant pour les demi-finales. Le PSG avait éliminé la formation anglaise d'Arsenal au moment où Inter Milan avait expulsé FC Barcelone d'Espagne. Parlons éducation à présent. Des habitants du centre-ville de Gitega apprécient positivement la mesure du ministère burundais de l'éducation permettant à encore 5000 élèves à suivre les cours étant internes. Selon eux, cela évitera des distractions et leur permettra de réussir davantage. Ils demandent en outre que les subsides de l'État aux établissements à régime et d'internat soient conséquentes à cette mesure. Le premier avantage est que quand les élèves vivent à l'internat, il n'y a plus rien qui détourne leur attention et plus de Lingala. Cela parce que les enfants actuels fréquentent beaucoup de Lingala, boivent des boissons trop alcoolisées, tels kick, ils fument de la cigarette et j'en passe. Mais quand ils sont à l'internat, ils sont à l'abri de tout ce qui peut détourner leur attention. L'avantage est que quand un élève est interne, il suit convenablement les cours en classe. Il ne gaspille pas son temps. Cependant, si vous augmentez les effectifs d'élèves internes, il faut aussi augmenter les ratios alimentaires. Car quand on a faim, on n'étudie pas. Donc, augmenter la nourriture et les élèves mangent à leur satiété et étudient bien. C'est bon que les élèves vivent à l'internat, du moment que certains vivent dans des maisons qu'ils louent. Ainsi, ils s'adonnent à la débauche, ils s'intéressent aux matchs de football télévisés. Conséquence, au lieu de faire du soir, ils regardent les matchs, ils consomment de l'alcool, la drogue et ils échouent en classe. Mais à l'internat, ils étudient bien et leur sécurité est garantie. C'est un grand avantage car les matchs de football empêchent pas mal d'élèves de réviser la matière le soir et fréquentent les boîtes de nuit et par conséquent, ils échouent en classe. Mais s'ils sont à l'internat, leur conduite s'améliore. Cette mesure est meilleure car actuellement, beaucoup d'enfants ne font que jouer au casino, font le betting, mais à l'internat, le betting diminue et l'intelligence augmente chez les élèves. C'est parce qu'ils sont suivis régulièrement par les éducateurs. Certains élèves externes s'absentent souvent en classe et passent beaucoup de temps au téléphone mobile. Mais à l'internat, chaque élève ne pense qu'aux études. Ainsi, cette mesure du ministre est bonne au moment que certains élèves ne respectent même plus leurs parents. Mais à l'internat, les éducateurs et les parents conjuguent leurs efforts pour bien éduquer les enfants. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Place à la chronique nutrition à 13h08 dans le studio de la radio Isanganiro. La pastèque est un fruit contenant de l'eau, du sucre, des fibres et de nutriments essentiels comme les vitamines A, B, C, C. Elle aide le foie à traiter les déchets issus de la digestion des protéines, ce qui soulage les reins tout en éliminant l'excès de lipides. Selon Janvier Nigarula, spécialiste en nutrition, ce fruit favorise la production d'urine sans agresser les reins. La chronique nutrition de ce dimanche avec Jean-Marie Mayonga. La pastèque est un fruit riche en nutriments que notre corps a besoin pour avoir une bonne santé. Selon Janvier Nigarura, spécialiste, chercheur nutritionniste, ce fruit contient des vitamines qui aident leur système immunitaire à bien fonctionner. La pastèque contient des vitamines comme la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine E. Ces vitamines, ce sont des vitamines antioxydantes. Elles nous aident à booster le système immunitaire et notre corps va se défendre à des maladies infectieuses. À cause des vitamines A qui se trouvent dans la pastèque, ça nous aide à améliorer la vision nocturne et aussi ça nous aide à améliorer la santé corporelle et vont maintenir la peau et les cheveux hydratés à cause de l'eau qui se trouve dans la pastèque, à cause aussi des vitamines antioxydantes qui se trouvent dans la pastèque. Janvier Nigarura signale également que dans la pastèque, il y a la citrulline qui aide les vaisseaux sanguins à faire circuler le sang pour éviter des maladies cardiovasculaires. Selon son spécialiste, la pastèque contient également ce qu'on appelle des lycopènes. Parmi ces nutriments, nous pouvons citer la citrulline, qui est un acide aminé essentiel qui booste la vitalité des vaisseaux sanguins en favorisant leur dilatation pour nous prévenir des maladies cardiovasculaires. Quand nos vaisseaux seront bien dilatés, vont laisser péniblement circuler le sang et ça va nous prévenir des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. La pastèque contient aussi une quantité suffisante d'eau, à plus de 90% des nutriments qui se trouvent dans la pastèque. Elle nous aide à l'hydratation du corps. La pastèque contient aussi des lycopènes. Les lycopènes agissent comme des boucliers contre l'inflammation et neutralisent les radicaux libres. Ces radicaux libres, ce sont des ennemis qui endommagent les cellules du corps. Quand les cellules du corps sont endommagées, le corps va présenter des douleurs du sera. Cela veut dire que quand on consomme bien la pastèque va agir comme un anti-inflammatoire naturel. Quant aux fibres végétales, ce chercheur précise qu'ils jouent un rôle dans la digestion tout en prévenant la constipation. Les fibres végétales jouent un rôle essentiel pour la santé digestive en maintenant un transit intestinal régulier et en prévenant la constipation. Si on consomme bien la pastèque, nous ne serons pas constipés. La pastèque peut être consommée à tout moment, soit en tranches, en cubes, dans une salade ou en jus. La pastèque est originaire d'Afrique et plus précisément du Soudan, puis s'est répandue dans le monde entier. Ainsi se referme cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également Alphonse Koubguiman qui a assuré la mise en onde. Très bon début du mois de juin. Au revoir.